إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، continue la lecture et la traduction du tafsir Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasr ibn Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, on entame l'exégèse de Sourat Al-Muddathir. Qala ta'ala ya ayyuha al-muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: ô toi, c'est-à-dire Muhammad, ô toi le revêtu d'un manteau. Et cette sourate, sourate al-Muddathir, est traduite par le revêtu d'un manteau, et c'est comme on le verra une sourate mécoise. Ô toi le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis, et de ton Seigneur célèbre la grandeur, et tes vêtements purifie-les, et de tout rujz écarte-toi, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage, et pour ton Seigneur endure. قال الشيخ السعدي رحمه الله تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته. وثيابك فطهر، يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلها، وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها عن المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عبادته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات خصوصا في الدخول في الصلوات، وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. الشيخ السعدي رحمه الله dit: il a été dit précédemment que al-muzammil et al-muddathir ont un seul et même sens. Al-muzammil, c'est l'enveloppé. Et al-muddathir, c'est celui qui est revêtu d'un manteau. Et ici, Cheikh Saadi rahimahullah dit que le sens est le même. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah azza wa jal. Les adorations qui profitent à la personne de façon individuelle et wal-muta'addiyah, c'est-à-dire les adorations qui apportent également un bien à autrui. Et il a été dit, hunak, c'est-à-dire dans Surat al-Muzzammil, qui précède Surat al-Muddathir, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné d'accomplir des adorations qui lui apportent un bénéfice personnel. Autrement dit, lorsqu'Allah Azzawajal a ordonné à son prophète Sarasim de prier la nuit. Et également, dans Al-Muzammil, Allah Azzawajal a ordonné à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça on l'a vu dans les cours précédents, qu'Allah Azzawajal a ordonné également à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de patienter face à l'offense de son peuple. Et ici, c'est-à-dire dans cette sourate, sourate Al-Mudathir, Allah Azzawajal ordonne à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de proclamer son appel à l'islam, de proclamer sa mise en garde et son avertissement aux gens. Faqal, il a dit, qum, lève-toi, c'est-à-dire avec sérieux et vivacité. Fa'anzir, avertis, c'est-à-dire avertis les gens par la parole et par les actes. Et grâce à cela, tu atteindras le but. Et explique également à travers ces paroles et ces actes ce contre quoi tu avertis, afin que les gens puissent le délaisser. Wa rabbaka fakabbir, et de ton Seigneur, célèbre la grandeur, c'est-à-dire immensifie ton Seigneur par le tawhid, et fais en sorte, et fais que ton but dans l'avertissement des gens, que ton but soit la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que les gens prennent conscience de l'immensité d'Allah azawajal, et qu'ainsi ils l'adorent. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ, et tes vêtements purifient-les. Al-Sheikh al-Sa'di, rahimahullah, dit qu'il est possible qu'il ait voulu par ses vêtements ici l'ensemble de ses actes. Et dans cette hypothèse et dans cette explication, la purification signifierait alors le fait que ses actes soient sincères et purs pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le fait de les purifier signifierait que ces actes seraient accomplis de la façon la plus complète, et ils seraient nettoyés et épurés de tout ce qui pourrait les annuler ou ce qui pourrait en diminuer les récompenses, notamment lorsqu'ils sont mélangés à de l'ostentation, du polythéisme, de l'ostentation, de l'hypocrisie, de la prétention, de l'orgueil, de l'insouciance et autres, des choses dont le serviteur se doit de s'abstenir lors de ses adorations. Et entre dans cela également le fait de nettoyer les vêtements des impuretés, car cela fait partie du nettoyage et de la purification des actes, et notamment la prière. Comme l'ont dit beaucoup de savants, que d'enlever une impureté des vêtements est une des conditions de la prière. Donc dans la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ » et tes vêtements purifient-les. La première interprétation est que ici, les vêtements, ce sont les actes. Et que les purifier signifie, premièrement, qu'ils soient sincères, et deuxièmement, qu'ils soient épurés de toutes les mauvaises choses, comme l'ostentation, l'hypocrisie, etc. Mais également, entre dans cette interprétation le fait de purifier ses vêtements, car fait partie des conditions de la prière, le fait de purifier ses vêtements. Et l'autre hypothèse, l'autre interprétation, est que ce qui est voulu par les vêtements, ce sont les vêtements connus, et qu'il a été ordonné de les purifier, c'est-à-dire de l'ensemble des impuretés, fi jami' al-awqat, tout le temps, et de façon plus précise lorsqu'il s'apprête à prier, car et de façon précise lorsqu'il s'apprête à prier. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné de purifier l'extérieur, eh bien, de purifier la purification extérieure fait partie de la complétude ou complète la purification intérieure. La purification extérieure complète et fait partie de la purification intérieure complète. ثم قال والرجز فهجر يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها وأقواله فيكون أمرا له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. ولا تمن تستكثر أي لا تمن على الناس بما أسديت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة وترى لك الفضل عليهم بإحسانك المنة بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك وانس عندهم إحسانك ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء وقد قيل إن معنى هذا لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولربك فاصبر أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر إليه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام وأهلها والشر وأهله وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا وصبر لله أكمل صبر فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. Et de tout rouge, écarte-toi. Il est possible que ce qui est voulu par Ar-Rouge, ici dans ce verset, ce sont les statues et les divinités qui sont adorées avec Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal ordonne donc à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de les délaisser et de se désavouer d'elles et de tout ce qui leur est attribué comme parole et acte. Et il est possible que ce qui est voulu par Ar-Rouj ici, ce sont l'ensemble des mauvaises actions et des mauvaises paroles. Ainsi, Allah Azzawajal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de délaisser tous les péchés, petits soient-ils ou grands, apparents soient-ils ou cachés, et entre dans cela, bien sûr, le shirk et autre que le shirk. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. C'est-à-dire, ne donne pas aux gens les bienfaits mondains et religieux dans le but de recevoir d'eux davantage. Et ne donne pas aux gens ces bienfaits mondains et religieux en pensant qu'ils te sont redevables. Au contraire, sois bienfaisant envers les gens autant que cela t'est possible et oublie le bien que tu leur fais, et ne demande sa récompense que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais en sorte que ceux envers qui tu as été bienfaisant et les autres, c'est-à-dire les autres envers qui tu n'es pas bienfaisant, fais en sorte que cela soit, que ces personnes soient au même niveau pour toi. C'est-à-dire que des personnes envers qui tu es bienfaisant et d'autres envers qui tu n'as pas été bienfaisant, tu n'as pas fait preuve d'une bienfaisance particulière, eh bien ces deux catégories de gens sont identiques pour toi. Autrement dit, celui à qui tu n'as pas donné, est-ce que tu attends de lui quelque chose ? Non. Eh bien, de la même façon, celui à qui, envers qui tu as été bienfaisant, eh bien, tu n'attends rien de lui également. Et il a été dit que le sens de cela, de ce verset, ne donne rien aux gens alors que tu leur donnes dans le but, ne donne rien aux gens dans le but qu'ils te rendent plus. Ne donne pas aux gens dans le but qu'ils te rendent plus. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. Et pour ton Seigneur, endure. C'est-à-dire, espère la récompense de ton Seigneur par ta patience. Et recherche dans ta patience la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectivement mis en application l'ordre de son Seigneur et a averti les gens. Il leur a expliqué cet avertissement par des versets clairs. Par ces versets clairs et évidents, il leur a exprimé et éclaircit l'ensemble des demandes divines. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immensifié Allah azza wa jal et a appelé les gens à se rendre compte de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a purifié tous ses actes apparents et cachés de tout mal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné et s'est abstenu de tout ce qui éloigne d'Allah Azza wa Jal, parmi les statues et ceux qui les adorent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est éloigné de tout mal et des gens du mal. Et c'est un bienfait pour les gens après le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a apporté du bien aux gens par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il ne demande à ces gens ni récompense, ni remerciement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a patienté d'une façon parfaite. Il a patienté dans l'obéissance d'Allah. Il a patienté face aux désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a patienté également lors des décrets douloureux d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à avoir dépassé l'élite des prophètes, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Thumma qala ta'ala, fa'idha nuqira fin naqur, fa'dhalika yawma idhi yawmun asir, ala al-kafirin ghayru yasir. Il dit subhanahu wa ta'ala, quand on sonnera du clairon, alors ce jour-là sera un jour difficile, pas facile pour les non-musulmans. قال الشيخ سعد رحمه الله أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجمع الخلق للبعث والنشور فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده على الكافرين غير يسير لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير كما قال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. Il dit rahimahullah, c'est-à-dire que lorsque l'on soufflera dans la trompe,

يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذمه غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أنميه وأربيه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا، شهودا أي دائما حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم، ومهدت له تمهيدا أي مكنته من الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل على ما يشتهي ويريد، ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. الشيخ السعدي رحمه الله دي: ces versets sont descendus sur Al-Walid ibn al-Mughira, celui qui a rejeté la vérité, celui qui a exprimé ouvertement son hostilité et sa contradiction à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal l'a réprimandé comme il n'a pas réprimandé autre que lui. Et ceci est la rétribution de toute personne qui renie la vérité. Sa rétribution est l'humiliation dans cette vie d'ici-bas, et le châtiment de l'au-delà est d'autant plus humiliant. Allah Azza wa Jalla dit: Dharni wa man khalaqtu wahida. Laisse-moi avec celui que j'ai créé seul. Ici, de qui Allah Azza wa Jalla parle? Al-Walid ibn al-Mughira. Allah Azza wa Jalla parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: laisse-moi avec celui, c'est-à-dire Al-Walid ibn al-Mughira, que j'ai créé seul. C'est-à-dire que j'ai créé seul. Il n'avait ni bien, ni famille, ni autre. Et je n'ai cessé de toujours lui donner plus. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. À qui j'ai donné des biens étendus, c'est-à-dire en grande quantité. Et je lui ai donné des enfants, c'est-à-dire des garçons. شُهُودًا. Qui lui tiennent toujours compagnie, c'est-à-dire qui sont sans cesse auprès de lui. Il profite d'eux. Ses enfants vaguent à ses occupations ou à ses affaires, et il cède d'eux pour avoir victoire. Puis Allah Azza wa Jalla dit: wa mahadtu lahu tamhida. Donc il jouit de ses enfants. Donc ses enfants lui rendent service de différentes formes et de différentes natures. Et ses enfants ne sont qu'un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jalla dit: wa mahadtu lahu tamhida. Pour qui aussi j'ai aplani toute difficulté. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte qu'il ait possession de cette vie d'ici-bas et de ses causes. Et ainsi, ses demandes ont toujours été satisfaites. Et il a toujours obtenu ce qu'il voulait et ce qu'il souhaitait. Cependant, avec tous ces bienfaits dont il jouissait, il convoite de moi que je lui donne davantage. يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدُ. C'est-à-dire, il espère, en plus des bienfaits mondains, avoir le bienfait de l'au-delà. قَالَ شَيْخُ السَّعْدِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَلَّا. أي ليس الأمر كما طمح، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك لأنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، عرفها ثم أنكرها، ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها، ولهذا قال عنه إنه فكر، أي في نفسه، وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر يقول ثم عبس وبصر في وجهه، وظاهره نفرة على وفي وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا له، ثم أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، أن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار بل كلام الفجار منهم والأشرار من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب، كيف يدور في الأذهان أو يتصور أو يتصوره ضمير كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه، كلام الرب العظيم الماجد الكريم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين، أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد، فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال، ولهذا قال تعالى سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته. فيلجي رحمه الله كلا، دونك الله عز وجل دي منو، c'est-à-dire qu'il n'adviendra pas ce qu'il espérait, à savoir jouir des bienfaits de cette vie d'ici-bas, en plus espérer les bienfaits de l'au-delà. Le Cheikh Oussadi dit, il n'adviendra pas ce qu'il espère, au contraire, c'est le contraire de ce qu'il espère et demande qui existera. Ceci car il reniait nos signes avec entêtement. Kana li ayatina anida. C'est-à-dire qu'il connaissait les signes puis les reniait. Ces signes les appelaient à la vérité, mais il ne s'y est pas soumis. Et il ne s'est pas contenté de se détourner et de renier cette vérité, mais il l'a combattue et a œuvré pour l'abolir. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, « Innahu fakkar », il a réfléchi, c'est-à-dire en lui-même. « Wa qaddar », et il a décidé, c'est-à-dire il a décidé de faire ce qu'il pensait, afin de dire des paroles qui, selon son vouloir, aboliraient le Coran. Puis Allah Azza wa Jalla dit « فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ » qu'il périsse comme il a décidé, puis qu'il périsse comme il a décidé. Car il a décidé une chose qui n'est pas dans ses capacités. Et il espérait faire une chose qu'il ne peut atteindre ni lui ni ses semblables. Quelle est cette chose ? De vouloir abolir le Coran. Thumma nazar, puis il a regardé ce qu'il a dit. Thumma abasa wa basar, et il s'est renfrogné et a durci son visage. Son visage s'est renfrogné, ce qui exprime le fait qu'il rejette la vérité et qu'il déteste celle-ci. Thumma adbar, puis il a tourné le dos. Wastakbar, et s'est enflé d'orgueil. Tout ceci est la conséquence de sa réflexion et des actes et des paroles qui les ont suivis. Lorsqu'il a dit In hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, ceci n'est que magie apprise, ce n'est là que la parole d'un humain. Il a dit donc Al-Mughira, Al-Walid ibn Al-Mughira, que ceci n'est pas la parole d'Allah, mais c'est la parole d'un être humain. Et ce n'est pas la parole des meilleurs des humains, mais au contraire, c'est la parole. Et si c'était la parole d'un humain, cela n'aurait pas été la parole des meilleurs parmi les humains, mais la parole des pervers et des mauvais parmi eux, des menteurs et des sorciers. Puis Cheikh Saadi dit « Fatab ben lah, malheur à lui, comme il s'est éloigné de la vérité et comme il s'est rapproché de la perdition et de la destruction. Comment est-ce que une raison peut penser ou comment un être humain peut-il imaginer que la parole la plus haute et la plus immense, la parole du Seigneur, l'immense, que cette parole ressemble à la parole des créatures faibles et pauvres? Comment est-ce que ce menteur obstiné a pu définir et caractériser de cette façon la parole de celui qui a créé et de celui qui fera ressusciter, subhanahu wa ta'ala? Il ne mérite que le châtiment douloureux et les carcans. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tazar. Je vais le brûler dans le feu intense, saqar. Et qui te dira ce qu'est saqar? Il ne laisse et n'épargne rien. C'est-à-dire que ce feu, saqar, de par sa dureté, sa force, ne laisse rien de celui qu'il châtie et parvient à toute parcelle de son corps. Lawahatun lil bashar. Comme قال الشيخ السعدي لواحة للبشر أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وذلك لشدتهم وقوتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها والعذاب يسمى فتنة كما قال تعالى يومهم على النار يفتنون ويحتمل أن المراد أنما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ومن يكذب ويدل على ذلك ويدل على هذا ما ذكر بعده في قوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازداد إيمانهم وليرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون أي ليزول عنهم الريب والشك وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق فجعل ما أنزله الله على رسوله محصنا لهذه الفوائد الجليلة ومميزا للكاذبين من الصادقين. ولهذا قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي شك وشبهة ونفاق، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. وهذا على وجه الحيرة والشك والكفر منهم بآية الله، وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضل. ولهذا قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو. عليها 19. Donc, Cheikh Saadi dit, rahimahullah, lawahatun lil bashar. Il brûle la peau, en parlant de saqar. C'est-à-dire que ce feu les enveloppera dans son châtiment et ils seront extrêmement apeurés par la dureté et par la grande chaleur de ce feu. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ. Ils sont 19 à y veiller parmi les anges qui sont les gardiens de cet enfer. غِلَاظٌ شِدَادٌ. Des anges qui sont immenses et durs. Ils ne désobéissent jamais à Allah dans ce qu'il leur ordonne et ne font que ce qu'Allah Azza wa Jal leur ordonne de faire. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةَ. Nous n'avons assigné comme gardien de feu que, comme gardien du feu que les anges. C'est-à-dire qu'il n'y a comme gardien de l'enfer que les anges. وَذَلِكَ, comme l'a dit Cheikh Saadi, et ceci de par leur dureté et leur force. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Et nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les non-musulmans. Nous en avons fixé le nombre. Le nombre de d'anges, ici, qui est de 19. Il est possible que ce qui est voulu par cela, c'est-à-dire que nous n'en avons fixé le nombre que pour les éprouver, c'est-à-dire pour les châtier dans l'au-delà. Et pour que cela soit un surplus de châtiment pour eux. Et le châtiment était également appelé tentation, fitna. Car Allah Azza wa Jalla a dit: illa fitnatan lilladhina kafaru. Nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver. Donc ici, l'épreuve, le châtiment est aussi appelé épreuve. Et Cheikh Saadi cite la preuve que le châtiment est aussi appelé épreuve, il cite le verset 13 de sourate Al-Dhariyat: يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ. Le jour où en enfer ils seront éprouvés. Et ici, cela veut dire le jour où en enfer ils seront châtiés. Et il est possible que le sens de ce verset est: nous vous avons informé de leur nombre afin de savoir qui acceptera et considérera cela vrai et qui le traitera de mensonge. Et prouve cela le fait que Allah Azza wa Jal a cité ce nombre pour éprouver qui sera véridique de qui sera menteur, ce qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le verset suivant ou dans la suite du verset: لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et aussi, afin que ceux à qui le livre a été apporté soit convaincu et que croit, c'est-à-dire et qu'augmente la foi de ceux qui croient. Ainsi, les gens du livre, si ce nombre correspond à ce qui est présent dans leur livre, alors ils auront la certitude que ce Coran est vérité. Donc ça, concernant les gens du livre. Et concernant les croyants, à chaque fois qu'Allah Azzawajal fait descendre un de ces signes, eh bien les croyants y croient et considèrent cela comme vrai, et cela fait accroître leur foi. Donc pour cela qu'Allah Azzawajal a dit, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus lorsqu'ils constateront que ce nombre existe dans leur livre. Et également, qu'augmente la foi de ceux qui croient. Car ceux qui croient, quel que soit le signe qu'Allah Azzawajal leur donne, ils le considèrent vrai, ils y croient, et cela augmente leur foi. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Et que ceux à qui le livre a été donné et les croyants n'aient point de doute. C'est-à-dire afin que tout doute soit dissipé. Et ceci fait partie des buts nobles que prennent en considération ceux qui sont doués d'intelligence. Cela donc fait augmenter la foi à tout moment. Et chaque sujet يعتني بها أولو الألباب وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين ودفع الشكوك والألهام التي تعرض في مقابلة الحق فجعل ما أنزله الله على رسوله محصنا لهذه الفوائد الجليلة ومميزا للكاذبين من الصادقين. Donc Allah عز وجل fait descendre ces signes pour cela, afin que les gens doués d'intelligence recherchent la certitude, afin que leur foi augmente et qu'ils repoussent toute forme de doute qui vient contredire la vérité. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait de ce qu'il a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela fait obtenir et accorde tous ses bienfaits à ces gens doués d'intelligence, et également cela différencie entre ceux qui traiteront de mensonges ces signes et ceux qui les considéreront vrais. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit par la suite, et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, c'est-à-dire le doute, l'ambiguïté et l'hypocrisie. Ainsi que les non-musulmans disent, donc Allah Azza wa Jal a cité ce nombre également, pour que ceux qui ont le cœur malade par le doute, l'ambiguïté et l'hypocrisie, et que disent également les non-musulmans, qu'est-ce qu'ils disent ? مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Qu'a donc voulu Allah par cette parabole ? Et ils disent cela par embarras. Et ils disent cela par mécréance de leur part vis-à-vis des signes d'Allah. Ainsi, ils ne disent pas cela de façon sincère, mais ils disent cela pour faire planer un doute, et en guise de mécréance vis-à-vis de ces signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا وَذَاكَ مِنْ هِدَايَةِ اللَّهِ لِمَنْ يَهْدِيهِ وَإِضْلَالِهِ لِمَنْ يُضِلِّ. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et c'est ainsi qu'Allah guide qui il veut et égare qui il veut. C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Ainsi, celui qu'Allah a guidé, eh bien, Allah Azzawajal fera en sorte que ce qu'il a envoyé sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une miséricorde pour celui qui a été guidé. Et que cela soit pour lui une augmentation de sa foi et de sa religion. Quant à celui qu'Allah Azzawajal a égaré, il va faire en sorte que ce qu'il aura révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit une augmentation de son malheur et de son embarras. Et que cela soit une augmentation des ténèbres pour lui. Et ce qui est obligatoire, c'est que ce dont a informé Allah et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, tout ceci doit être accepté avec soumission. Car ne connais le nombre de l'armée de ton Seigneur parmi les anges et les autres que lui. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il fait descendre des signes, ces signes apportent un bien pour ceux qui sont guidés par ces signes, et ces signes apportent un mal pour ceux qui les renient et ceux qui sont égarés. Est-ce que c'est clair ? Non. On l'a vu ici. Lorsqu'Allah Azza wa Jal révèle un signe ou un verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Ceux qui y croient, cela rapporte un bien, une miséricorde, cela fait augmenter leur foi, ils sont plus fermes dans leur religion. Ceux qui n'y croient pas, c'est une chose en plus à laquelle ils ne vont pas croire. Donc cela va augmenter leur égarement et cela va augmenter leur mécréance, et cela sera un mal pour eux. Non pas parce que c'est un mal en soi, mais parce qu'ils ont une nouvelle foi et encore une fois renié un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, Cheikh Saadi dit, ce qui est obligatoire, c'est d'accepter les informations d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam par la soumission, que par la soumission, car ne connaît le nombre de l'armée de ton Seigneur parmi les anges et autres que lui. قال رحمه الله فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب وما هي إلا ذكرى للبشر أي وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. Il dit rahimahullah, il ne connaît le nombre de l'armée de ton Seigneur parmi les anges et autres que lui. Si vous êtes ignorant de ses armées, l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous en informe le tout savant qui est Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez donc de choix que d'accepter son information sans doute ni hésitation. Qui connaît le nombre des anges qui sont au service d'Allah? Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y en a 19 qui gardent l'enfer. On ne peut qu'accepter et croire à cette information, car c'est le seul qui connaît le nombre de ces anges, subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya illa dhikra lil bashar. Et ce n'est là qu'un rappel pour les humains. C'est-à-dire que cette exhortation et ce rappel n'est pas dit en vain ni pour s'amuser, mais le but de ce rappel et de cette exhortation est que l'être humain réfléchisse et raisonne sur ce qui est un bien pour lui et de le mettre en pratique, et réfléchisse sur ce qui est néfaste pour lui, afin de le délaisser. ثم قال تعالى كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا تخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Il dit سبحانه وتعالى selon le sens. Non, par la lune et par la nuit quand elle se retire et par l'aurore quand elle se découvre, Saqar est l'un des plus grands, c'est-à-dire malheur, un avertissement pour les humains, un avertissement pour les humains pour qui d'entre vous veut avancer ou reculer. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis, sauf les gens de la droiture. Dans des jardins, ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qu'est-ce qui vous a acheminé à Saqar ? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière, et nous ne nourrissions pas le pauvre, et nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution jusqu'à ce que nous vînt la vérité évidente. Ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs ? Qu'ont-ils à se détourner du rappel ? Ils sont comme des onagres épouvantés, s'enfuyant devant un lion. Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Ah non, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà. Oh non, ceci, c'est-à-dire le Coran, est vraiment un rappel. Quiconque veut qu'il se le rappelle, mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. قال الشيخ سعد رحمه الله كلا بمعنى حقا أو بمعنى ألا الاستفتاحية فأقسم الله تعالى بالقمر وبالليل وقت إدباره والنهار وقت إسفاره لاشتمال المذكورات على آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرة الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه والمقسم عليه قوله إنها أي النار لإحدى الكبر أي لإحدى العظائم الطامة والأمور الهامة فإذا أعلمناكم بها وكنتم على بصيرة من أمرها فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه ويزلفه من دار كرامته أو يتأخر عما خلق له وعما يحبه الله ويرضاه فيعمل بالمعاصي ويتقرب إلى نار جهنم كما قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر كل نفس بما كسبت من أعمال السوء وأفعال الشر رهينة بها موثقة بسعيها قد ألزم عنقها وغل في رقبتها واستوجبت به العذاب إلا أصحاب اليمين فإنهم لم يرتهنوا بل أطلقوا وفرحوا في جنات يتساءلون عن المجرمين أي في جنات قد حصل لهم بها جميع مطلوباتهم وتمت لهم الراحة والطمأنينة حتى أقبلوا يتساءلون فأفضت بهم المحادثة أن سألوا عن المجرمين أي حال وصلوا إليها وهل وجدوا ما وعدهم الله تعالى فقال بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون عليهم فاطلعوا عليهم في وسط الجحيم يعذبون فقالوا لهم ما سلككم في سقر أي أي شيء أدخلكم فيها وبأي ذنب استحققتموها قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين فلا إخلاص للمعبود ولا إحسان ولا نفع للخلق المحتاجين وكنا نخوض مع الخائضين أي نخوض بالباطل ونجادل به الحق وكنا نكذب بيوم الدين هذا آثار الخوض بالباطل وهو التكذيب بالحق ومن أحق الحق يوم الدين الذي هو محل الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه العدل لسائر الخلق il dit rahimahullah dans le verset 32 كلا والقمر كلا ici a le sens de véritablement ou a le sens de n'est-ce pas pour ouvrir lorsque l'on commence une phrase. On dit par exemple n'est-ce pas telle chose, n'est-ce pas un tel qui a fait ceci, n'est-ce pas telle chose qui est véridique par exemple. Donc qu'Allah ici a le sens de véritablement. Donc qu'Allah wa al-qamar par la lune. Donc, véritablement par la lune. Alors je jure ensuite par la lune ou qu'Allah ici peut avoir le sens de n'est-ce pas lorsqu'on commence une phrase. Allah Azza wa Jalla a juré par la lune et il a juré par la nuit lorsqu'elle se retire. Et il a juré par le jour lorsqu'il se découvre. Car tout ce qui a été cité ici font partie des immenses signes d'Allah Azza wa Jalla qui prouvent la perfection, la parfaite puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala prouve sa sagesse et prouve l'étendue de son pouvoir et l'immensité de sa miséricorde. Et cela prouve également, c'est-à-dire ces signes prouvent la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce par quoi Allah a juré. Allah a juré par la lune, par la nuit lorsqu'elle se retire, par le jour lorsqu'il se découvre. Donc c'est ce par quoi Allah a juré et ce pourquoi Allah a juré. Innaha la ihda al-kubar. C'est l'un des plus grands malheurs en parlant de l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer est une chose immense et une chose importante. فَإِذَا أَعْلَمْنَاكُمْ بِهَا وَكُنْتُمْ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهَا Maintenant que nous vous avons expliqué ce qu'était cet enfer et que maintenant vous êtes clairvoyant à son sujet, celui d'entre vous qui veut avancer pour faire, pour mettre en œuvre, pour œuvrer dans ce qui le rapproche de son Seigneur et le rapproche de la satisfaction de son Seigneur et le fera entrer dans la terre des délices. Donc celui d'entre vous qui veut s'avancer ou reculer. Reculer vis-à-vis de ce pourquoi il a été créé. Celui qui veut reculer de l'amour d'Allah Azza wa Jal, de ce qu'Allah aime et de ce qu'il satisfait, s'éloigner de tout cela en lui désobéissant et en se rapprochant de l'enfer, comme l'a dit Allah Azzawajal, وقل الحق من ربكم. Et dis la vérité, et dis la vérité de ton Seigneur. Celui qui veut qu'il croit, et celui qui veut qu'il mécroit. Puis Allah Azzawajal dit, كل نفس بما كسبت رهينة. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. De ce qu'elle a fait parmi les actes mauvais et détestables. Elle sera l'otage de ses actes. C'est-à-dire que ses actes seront un fardeau pour elle et elles seront un carcan autour de son cou. Et cela, et il méritera pour cela l'enfer. Puis Allah Azza wa Jalla dit Illa ashab al-yamin, sauf les gens de la droite. Fainahum lam yurtahanu, ils ne seront pas pris en otage. Bal utliqu wa farihu, ils seront libérés et seront joyeux. Ils seront libérés, c'est-à-dire de ses péchés. Et l'imam al-Baghawi, rahimahullah, dans son tafsir, dit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, leur pardonnera leurs péchés. Donc, toute âme est otage de ses péchés, sauf les gens de la droite, qui eux n'en seront pas otages, car Allah, azawajal, leur pardonnera leurs péchés. Donc ils ne seront plus otages de ceci et ainsi ne seront pas châtiés. Fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimin, dans des jardins ils s'interrogeront au sujet des criminels. Qui? Les gens de la droite seront dans les jardins, c'est-à-dire du paradis, c'est-à-dire des jardins dans lesquels ils obtiendront tout ce qu'ils demandent. Ils auront là-bas une tranquillité, une sérénité parfaite, ainsi qu'une quiétude. Ils seront tranquilles et jouiront des bienfaits du paradis jusqu'à ce qu'ils se rencontrent et discutent entre eux et se posent des questions les uns les autres. Et cette discussion va les amener à se questionner au sujet des criminels. Quelle est leur situation? Où en sont-ils? Et ont-ils trouvé ce qu'Allah Azzawajal les avait, ce dont Allah Azzawajal les avait menacés? Et ils se diront les uns les autres, pouvez-vous les regarder, les voir, les contempler? Ils regarderont alors ces criminels qui seront châtiés au milieu de l'enfer. Et ils leur diront, donc les gens du paradis diront à ces criminels qui seront châtiés en enfer, « Ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a acheminé à saqar ?» C'est-à-dire, quelle est cette chose qui vous y a fait entrer? Et quel est ce péché par lequel vous l'avez mérité? Et quel est ce péché que vous avez commis et par lequel vous avez mérité le châtiment de l'enfer? Ils diront « Lam naku min al-musallin » وَلَمْ نَكُنُ طُعِمُ الْمِسْكِينَ. Nous n'étions pas de ceux qui faisaient la prière et nous ne nourrissions pas les pauvres. Il n'y avait donc aucune sincérité pour Allah Azzawajal et aucune bienfaisance et aucun bien apporté aux serviteurs. Car lorsque tu pries, tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça fait partie des adorations qui t'apportent un bien personnel, individuel. Et nous ne faisions pas de ceux qui nourrissaient les pauvres. Donc ni ces personnes n'ont été sincères dans leur adoration vis-à-vis d'Allah Azzawajal, et ni ils n'ont été bienfaisants ou bénéfiques pour les créatures. Puis ils ont dit « وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ » et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles, c'est-à-dire nous pataugions dans le faux et nous polémiquions sur la vérité. وَنُجَدِلُ بِهِ الْحَقِّ nous pataugions dans le faux et nous polémiquions contre la vérité. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution. Ceci est la conséquence de patauger dans le faux. Lorsque tu patauges dans le faux, tu traites de mensonges la vérité. Puis il dit, rahimahullah, et fait partie de la plus vraie des vérités. وَمِنْ أَحَقِّ الْحَقِّ fait partie de la plus vraie des vérités le jour de la rétribution. Car c'est le moment où les actes seront rétribués. Et c'est ce jour où apparaîtra la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son jugement juste vis-à-vis de ses créatures. فاستمرينا على قال رحمه الله فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد حتى أتانا اليقين أي الموت فلما ماتوا على الكفر تعذرت حينئذ عليهم الحيل وانسد في وجوههم باب الأمل فما تنفعهم شفاعة الشافعين لأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهؤلاء لا يرضى الله أعمالهم فلما بين الله مآل المخالفين ورهب مما يفعل بهم عطف على الموجودين بالعتاب واللوم فقال فما لهم عن التذكرة معرضين أي صادين غافلين عنها كأنهم في نفرتهم الشديدة منها حمر مستنفرة أي كأنهم حمر وحش كأنه حمر وحش نفرت فنفر بعضها بعضا فزاد عدوها فرت من قسورة أي من صائد ورام يريدها أو من أسد ونحوه وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق ومع هذا الإعراض وهذا النفور يدعون الدعاوى الكبار فيريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة نازلة عليه من السماء يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك وقد كذبوا فإنهم لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فإنهم جاءتهم الآيات البينات التي تبين الحق وتوضحه فلو كان فيهم خير لآمنوا ولهذا قال كلا أن نعطيهم ما طلبوا وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيز بل لا يخافون الآخرة فلو كانوا يخافونها لما جرى منهم ما جرى كلا إنه تذكرة الضمير إما أن يعود على هذه السورة أو على ما اشتملت عليه من هذه الموعظة فمن شاء ذكره لأنه قد بين له السبيل ووضح له الدليل وما يذكرون إلا أن يشاء الله فإن مشيئته نافدة عامة لا يخرج عنها حادث قليل ولا كثير ففيها رد على القدرية الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله الذين لا يدخلون أفعال العباد تحت مشيئة الله والجبرية الذين يزعمون أنه ليس للعبد مشيئة ولا فعل حقيقة وإنما هو مجبور على أفعاله فأثبت تعالى للعباد مشيئة حقيقة وفعلا وجعل ذلك تابعا لمشيئته هو أهل التقوى وأهل المغفرة أي هو أهل أن يتقى ويعبد لأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وأهل أن يغفر لمن اتقاه واتبع رضاه تم تفسير سورة المدثر ولله الحمد. Puis il dit rahimahullah, toujours dans l'explication de ces versets, des derniers versets de Surat al-Muddathir, Hatta atan al-yaqin, verset 47, jusqu'à ce que nous vint la vérité évidente. Donc il dit rahimahullah en parlant de ces gens criminels en enfer qui ont expliqué que leur cause du châtiment qu'ils subissent et qu'ils ne faisaient pas partie de ceux qui priaient, ils ne nourrissaient pas les pauvres, ils s'associaient avec ceux qui tenaient des conversations futiles, ils traitaient de mensonges le jour de la rétribution. Et nous avons persisté dans cette mauvaise voie, hatta atan al-yaqin, jusqu'à ce que nous vînt la vérité, c'est-à-dire la mort. Et lorsqu'ils moururent dans la mécréance, c'est alors que toutes les formes d'esquive se sont anéanties et toutes les portes de l'espérance se sont fermées devant eux. Lorsque la mort arrive, il n'y a plus moyen de l'esquiver. Il n'y a plus moyen d'esquiver et d'essayer de trouver un échappatoire. Et toutes les portes de l'espérance se ferment devant eux. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, ne leur profitera point donc l'intercession des intercesseurs, car ces intercesseurs ne pourront intercéder qu'envers ceux dont Allah est satisfait. On ne peut intercéder qu'en faveur d'une personne dont Allah est satisfait. Et cela, Allah n'est pas satisfait de leur acte. فَلَمَّا بَيَّنَا. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a expliqué et a montré la destination de ceux qui ont contredit, lorsqu'Allah Azza wa Jal les a fait redouter par ce qu'il fera d'eux ou par ce qu'ils subiront, il a ajouté réprimande à ceux qui sont présents. Donc ici, Allah Azza wa Jal, dans les versets précédents, a parlé de la situation qui adviendra à ceux qui rejettent la vérité. Et Allah Azza wa Jal a parlé de leur destination finale qui est l'enfer et a expliqué la cause de ce qui les a amenés en enfer. Puis Allah Azza wa Jal s'adresse à ceux qui sont encore vivants. Ceux qui sont encore vivants parmi les mécréants, ceux qui écoutent à l'heure actuelle le rappel d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. Qu'ont-ils à se détourner du rappel, c'est-à-dire à s'en sauver et à faire preuve d'insouciance vis-à-vis de ce rappel. كَأَنَّهُمْ. Comme ils sont comme des onagres épouvantés. Qu'est-ce qu'un onagre? Un âne, un âne sauvage. Ils sont comme, c'est-à-dire dans leur fuite, dans leur détournement de la vérité et du rappel, ils sont comme des onagres épouvantés, comme des ânes sauvages qui sont apeurés. فنفر بعضها بعضا. Et ces ânes sauvages qui sont apeurés, chacun fait peur à l'autre. فزاد عدوها. Et donc ainsi, ceci ne fait qu'augmenter leur vitesse et la vitesse à laquelle ils se sauvent. فرت من قصورة. Comme ils sont comme des onagres épouvantés s'enfuyant devant un lion. Lorsqu'ils voient un lion, ils se sauvent de toutes parts, chacun augmentant la peur de l'autre. C'est-à-dire, s'enfuyant devant un lion, c'est-à-dire s'enfuyant devant un chasseur ou un tireur qui les viserait, ou s'enfuyant d'un lion ou autre. Et ceci, وهذا من أعظم ما يكون من النفور عن الحق. Et ceci est la forme la plus virulente de se sauver du rappel. ومع هذا الإعراض وهذا النفور يدعون الدعاوى الكبار. Et malgré ce détournement et malgré le fait qu'ils se sauvent de cette façon de la vérité, ils prétendent des choses immenses. Comme, et Allah Azza wa Jalla cite ces choses qu'ils prétendent, « يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً » Chacun d'eux voudrait plutôt qu'on lui apporte des feuilles tout étalées. Qu'on lui apporte des feuilles tout étalées, c'est-à-dire des feuilles qui descendraient sur lui venant du ciel, des feuilles des cieux qui descendraient sur lui et qui lui expliqueraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la vérité, que le Coran est vérité, et il prétend que c'est à ce moment-là qu'il se soumettrait à la vérité. Ils rejettent leur appel et disent « Nous ne croirons en tout cela que si des feuilles descendent sur nous de façon individuelle. » Et ce n'est qu'à ce moment qu'ils croiront en la vérité. Et Cheikh Saadi dit « وَقَدْ كَذَبُوا » Ils mentent dans cela. Car, quel que soit le signe qui leur parviendrait, ils ne croiront que lorsqu'ils verront le châtiment douloureux. Car les signes évidents leur sont venus, leur sont parvenus, des signes qui montrent clairement la vérité. S'il y avait du bien en eux, ils y auraient cru. وَلِهَذَا قَالَ Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit كَلَّا أَن نُعْطِيَهُمْ مَا طَلَبُوا وَهُمْ مَا قَصَدُوا بِذَلِكَ إِلَّا التَّعْجِيزِ Mais non, nous ne leur donnerons pas ce qu'ils veulent, c'est-à-dire nous ne leur donnerons pas ce qu'ils veulent, et ils n'ont eu pour but dans cette parole que de montrer ou de montrer aux gens que Allah en est incapable et que cette chose, ils savent très bien que cette chose n'arrivera pas, et c'est comme s'ils défiaient Allah Azza wa Jal dans cela, et que si cela n'a pas lieu, eh bien c'est que tout ce qui est prétendu, le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout cela n'est pas vérité. Est-ce que c'est clair? Puis Allah Azza wa Jalla dit kalla minhum bal yakhafun al-akhirah bal la yakhafun al-akhirah, c'est plutôt qu'ils ne craignent pas l'au-delà, car s'ils craignaient l'au-delà, ils n'auraient pas fait ce qu'ils font. Puis Allah Azza wa Jalla dit Kalla innahu tadhkira. Mais non, ceci est un vrai rappel. Et Cheikh Saadi dit ceci, soit cela revient à cette sourate, sourate al-Muddathir, ou bien à ce qu'elle contient, ou cela revient à ce qu'elle comporte comme exhortation. Faman sha'a dhakara. Quiconque veut qu'il se le rappelle. Car ceci, ce rappel, montre la voie. avec preuve. Mais ils ne se rappelleront que si Allah veut. Car la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est globale. Rien, aucun événement, petit ou grand soit-il, ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans cela une réponse à Al-Qadariyah, qui disent que les actes des serviteurs ne sont pas soumis à la volonté d'Allah. Et cela est une réponse à Al-Jabriyah, qui prétendent que l'être humain n'a pas de volonté et n'a pas d'actes qui lui sont appropriés réellement, mais qu'en réalité, il est poussé à faire ce qu'il fait. Et dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a attesté d'une volonté à son serviteur, une volonté réelle, existante, et des actes. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Allah Azza wa Jalla, et celui qui veut qu'il se le rappelle. Donc Allah Azza wa Jalla a attesté la volonté et l'acte, qu'il se le rappelle. Donc ici, il y a l'acte de se rappeler. وَجَعَلَ ذَلِكَ تَابِعًا لِمَشِئَتِهِ. Mais a fait de cette volonté, a fait que cette volonté du serviteur et son acte suivent et dépendent de la volonté générale d'Allah subhanahu wa ta'ala. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. C'est lui qui est le plus digne d'être craint et c'est lui qui détient le pardon. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est digne que l'on le craigne et que l'on l'adore, car c'est la seule divinité qui mérite d'être adorée, subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui pardonne à celui qui le craint et à celui qui suit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Ainsi se termine le tafsir de Surat al-Muddathir. ولله الحمد ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.